Salut, salut, salut. Comme tous les dimanches, votre rendez-vous plutôt rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. C'est donc Lost in Space sur les ondes du 100 FM à Toulon et sa région et sur le www.radio-actif.net. Pour le reste du monde et de l'univers. Lost in Space, donc je vous disais, et avec aujourd'hui une thématique un peu particulière qui m'est venue en fait en regardant une vidéo sur YouTube où en fait il parlait de ce qui a pu influencer ce qu'on appelle maintenant le gothique, donc qui n'est pas véritablement le gothique de ce que j'écoutais quand j'étais jeune. Donc avec des groupes un peu plus tournés vers le métal, ainsi de suite, mais cette idée de faire quelque chose avant le gothique et de retrouver en fait tout ce qui a pu influencer la scène actuelle m'a donné une petite idée, m'a mis la puce à l'oreille pour faire une émission comme celle-ci, donc qui partirait des vieilleries comme Screaming Jay Hawkins, The Doors, Le Velvet, Alice Cooper, Roxy Music, Brian Eno et j'en passe, pour arriver à des choses plus récentes. Et donc c'est parti avec, à tout seigneur, tout honneur, Screaming Jay Hawkins avec I Put a Spell on You, go!

Objet d'une préoccupation constante des intellectuels japonais, la modernité a été au centre de nombreux débats au XXe siècle, qui semblent pour la plupart du temps sous-tendus par les questions générales suivantes. Le Japon est-il lui-même moderne? Si oui, quand s'est-il modernisé? S'est-il modernisé à l'ère Meiji, entre 1868 et 1912, synonyme d'occidentalisation du pays? Pourquoi s'est-il modernisé alors qu'il n'est pas occidental? Le livre de Bernard Stevens, Maruyama Masao, Un regard japonais sur la modernité, est une occasion de réfléchir sur le rapport entre pays non occidental et modernité, laquelle est justement souvent considérée comme un produit strictement occidental, exporté après coup dans le reste du monde. Thank you. in every dream home a heartache, and every step I take takes me further from heaven. Is there a heaven? I'd like to think so. Standards of living, they're rising daily. But home, oh sweet home, it's only a saying. From bell push to faucet, in smart town apartment, the cottage is pretty, the main house a palace, penthouse perfection. But what goes on? What to do there? Better pray there. Open plan living, bungalow ranch style, all of its comforts seem so essential. I bought you mail order, my plain wrapper baby. Your skin is like vinyl, the perfect companion. You float in my new pool, deluxe and delightful, inflatable doll. My role is to serve you, disposable darling. Can't throw you away now, immortal and life-size. My breath is inside you, I'll dress you up daily and keep you till death's size. Inflatable doll, lover ungrateful, I blew up your body, but you blew my mind. Ce que l'on a découvert n'est pas très rassurant. Vu de l'intérieur, notre système de santé paraît bien mal en point. Until the spirit new sensation takes hold, then you know.

Sur cette chasse, il est délicat d'incriminer le facteur humain. Aucun des trois gradés n'a osé remettre en cause ma tactique d'échange sonore et de fixation du furtif, ce qui m'a surprise. Agüero a parfaitement joué son rôle, position et affût. Ner a fait ce qu'il a pu. L'orque a chassé à l'approche pour débusquer la proie. Où est l'erreur dite humaine ? Alors, ils se rabattent encore et toujours sur la technique. La technique justifie les budgets, les ingénieurs, les postes, les salaires. Elle donne l'impression d'avancer, elle permet de faire des rapports à base de couple problème-solution, trial and error. Elle offre un horizon pour la recherche qui peut ainsi se revendre en interne aux services d'infiltration, de traque et de balistique, et en externe aux industriels pour optimiser des capteurs de présence. Is dead, the bats have left the bell tower, the victims have been bled, red velvet lines, the black box, Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. The virginal brides file past his. account. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Bela Lugosi is dead. Undead, undead, undead. Undead, undead, undead. Undead. Thank you. hide her smile. Every problem puts a stranger inside. Hopelessly forcing up modern disguise. Christine, the strawberry girl, Christine, Bernardo's good lady, Christine, the strawberry girl, Christine, Bernardo's good lady. Lost in our world, this big-eyed girl sees her face is a pearl. Now she's in purple, now she's a turtle. Disintegrating Christine, the strawberry girl, Christine, banana split lady, Christine, the strawberry girl, Christine, sees her face is unfurled. Christine, Christine, Cependant, très rapidement, la conviction qu'elle met dans ce qu'elle dit décolle ses bras de la bienséance initiale. Je comprends vos réticences, qui sont factuelles et légitimes. En réponse, je voudrais vous proposer une approche qui pourrait paraître très personnelle ou trop centrée sur mon métier. Mais j'ai aujourd'hui 5 années de recul et cette dernière chasse a fait événement. Elle a ouvert, d'après moi, de vraies perspectives. On peut échouer beaucoup et avancer toutefois, comme on peut accepter d'avoir eu tort longtemps et d'avoir enfin un déclic. Thank you.

À la mine ouverte et sidérée des degradés, je sus que Saskia avait touché au cœur. Il découvrait d'un coup plus qu'un univers, dont il savait finalement si peu. Des potentialités inouïes, presque vertigineuses, avec une nouvelle façon d'approcher des proies qui leur avaient toujours échappé jusqu'ici. Thank you. Lève-toi là. Who's in winning? The king of Siam and my Siamese twin alone on the river. Mirror kissing, mirror kissing. It's like sugar. drift away. Come on now, people, let it drift away. Come on now, people, let it drift away. Restait un moment aéré, ouvrant et refermant les tiroirs métalliques. On en voulait une grosse, avec des cheveux vraiment longs. Sur les deux ou trois qui semblaient convenir, on discuta un bon moment. Raoul préférait celle-ci, moi celle-là, et Marcel s'en foutait ou il faisait semblant. Il a fallu graisser la patte du collègue, bien sûr. Il se demandait ce qu'on allait bien en faire, ou plutôt, il ne se le demandait pas du tout. Égrillard, le frère. Nous, on le plaignait un peu de devoir rester là, ce soir précisément. Il nous a aidé à la rouler dans une bâche qu'avait apportée Raoul. Marcel est venu se garer à cul côté cour. On est rentré. Avec le froid qu'il faisait, il n'y avait pas un chat dehors. On a roulé pépère et on est arrivé sans encombre. On était excités comme des puces. On l'a posée sur la table. Elle portait seulement une longue chemise en coton grisâtre. Raoul a retroussé la chemise et il a rigolé. « Tiens, elle a été opérée de l'appendicite comme moi. » Tout de suite, on s'est mis à s'agiter. On se demandait de quoi elle était morte. On ne voyait rien de précis. Quelques hématomes, mais qui n'étaient peut-être dus qu'au transport. Marcel voulait d'abord qu'on mange, mais Raoul et moi, on voulait se mettre au boulot sans attendre. On a commencé par les cheveux. Les teindre en vert, sans en mettre partout. On était vert jusqu'au coude, nous aussi. Ça nous faisait bien rigoler. Raoul nous a fait le coup des martiens et il nous a raconté pour la énième fois l'histoire de la pompe à essence. Après, il fallait que les cheveux prennent la forme voulue. On avait acheté un tube de gel, mais c'était pas pratique. Marcel, qui bougonnait de plus en plus parce qu'il avait faim, disait qu'on aurait dû acheter du vernis en bombe ou un truc comme ça. N'empêche, ça commençait à avoir de la gueule et on n'était pas mécontents. Là, Marcel nous emmerdait tellement qu'on s'est arrêté pour casser la croûte. On a mangé vite fait et pas mal picolé. Raoul a manqué tomber parce qu'il était sur un tabouret et qu'il se croyait sur une chaise. Alors, quand il a voulu s'adosser... Drank coffee with a good friend, had some sense. Don't bend. There's not much more donc tort sans doute de chercher dans ces faits d'opinion des principes d'individualisation d'un discours. Ce qui définit l'unité de l'histoire naturelle, ce n'est pas la permanence de certaines idées comme celle d'évolution. Ce qui définit l'unité du discours économique au XVIIIe siècle, ce n'est pas le conflit entre les physiocrates et les utilitaristes, ou les tenants de la propriété foncière et les partisans du commerce et de l'industrie. Ce qui permet d'individualiser un discours et de lui accorder une existence indépendante, c'est le système des points de choix qu'il laisse libre à partir d'un champ d'objets donné, à partir d'une gamme énonciative déterminée, à partir d'un jeu de concepts définis dans leur contenu et dans leur usage. Il serait donc insuffisant de chercher dans une option théorique le fondement général d'un discours et la forme globale de son identité historique. Car une même option peut réapparaître dans deux types de discours, et un seul discours peut donner lieu à plusieurs options différentes. Ni la permanence des opinions à travers le temps, ni la dialectique de leurs conflits ne suffisent à individualiser un ensemble d'énoncés. Il faut pour cela qu'on puisse repérer la répartition des points de choix et qu'on définisse, en deçà de toute option, un champ de possibilités stratégiques. Si l'analyse des physiocrates fait partie des mêmes discours que celle des utilitaristes, ce n'est point parce qu'ils vivaient à la même époque, ce n'est point parce qu'ils s'affrontaient à l'intérieur d'une même société, ce n'est point parce que leurs intérêts s'enchevêtraient dans une même économie, c'est parce que leurs deux options relevaient d'une seule et même répartition des points de choix, d'un seul et même champ stratégique. Ce champ, ce n'est pas le total de tous les éléments en conflit, ce n'est pas non plus une obscure unité divisée contre elle-même et refusant de se reconnaître sous le masque de chaque adversaire, c'est la loi de formation et de dispersion de toutes les options possibles. Thank you. Yeah. Plutôt surpris, Arshavin décida de répondre de façon très directe. Oui, il était possible qu'il existe déjà des unités de recherche clandestines et même des expériences concluantes de chercheurs ou de passionnés isolés. Oui, ça méritait instamment d'être vérifié. Oui, il allait soumettre un budget pour ça. Thank you. の予見が必要恋の大気圏を透かしてみてごらんそこは廃墟かはたまた暗闇声を上げて、 はいはいはい、 頭を使って、 はいはいはい、 声を上げて、 はいはいはい、 頭を使って、 はいはいはい、 求めるのは何終わりに恋をするなら20世紀の終わりに恋をするなら求めるのは何 Thank you. Les formations discursives ne sont donc ni des sciences actuelles en voie de gestation, ni des sciences autrefois reconnues comme telles, puis tombées en désuétude et abandonnées en fonction des exigences nouvelles de nos critères. Ce sont des unités d'une nature et d'un niveau différent de ce qu'on appelle aujourd'hui, ou de ce qu'on a pu appeler autrefois, une science. Pour les caractériser, la distinction du scientifique et du non-scientifique n'est pas pertinente. Elles sont épistémologiquement neutres. Quant au système de positivité qui en assure le groupement unitaire, ce ne sont point des structures rationnelles, ce ne sont point non plus des jeux, des équilibres, des oppositions, des dialectiques entre les formes de rationalité et des contraintes irrationnelles. La distinction du rationnel et de son contraire n'est pas pertinente pour les décrire, car ce ne sont pas des lois d'intelligibilité, ce sont des lois de formation de tout un ensemble d'objets, de types de formulations, de concepts, d'options théoriques qui sont investis dans des institutions, dans des techniques, dans des conduites individuelles ou collectives, dans des opérations politiques, dans des activités scientifiques, dans des fictions littéraires et dans des spéculations théoriques. L'ensemble ainsi formé à partir du système de positivité est manifesté dans l'unité d'une formation discursive, c'est ce qu'on pourrait appeler un savoir. Le savoir n'est pas une somme de connaissances, car de celles-ci on doit toujours pouvoir dire si elles sont vraies ou fausses, exactes ou non, approchées ou définies, contradictoires ou cohérentes. Aucune de ces distinctions n'est pertinente pour décrire le savoir, qui est l'ensemble des éléments, objets, types de formulation, concepts et choix théoriques, formés à partir d'une seule et même positivité dans le champ d'une formation discursive unitaire. Teasing your taunt with We'll be right back. Le monde du travail est devenu un lieu d'expression privilégiée des discriminations. Le rapport rendu à Martine Aubry par le Haut Conseil à l'intégration rejoint les conclusions déjà apportées depuis quelques années par la Commission nationale consultative des droits de l'homme et le Centre d'études sur les revenus et les coûts. Tout indique en effet que cette discrimination existe et qu'elle est massive. Au-delà des témoignages innombrables des victimes, certains chiffres sont parlants. Il y a actuellement 3 fois plus de chômeurs chez les étrangers non européens que chez les Français, 29,3% contre 9,5%, et près de 4 fois plus si on compare les jeunes de 22-29 ans dont les deux parents sont nés en Algérie aux autres Français du même âge, 42% contre 11%. Des écarts aussi importants ne peuvent être expliqués seulement par l'écart dans la qualification, qui est loin d'être aussi important. On sait aussi que dans les années 80, le taux de licenciement des étrangers a été 2 fois plus élevé que celui des Français et que de 80 à 84, le chômage a augmenté de 18% chez les étrangers, tandis qu'il n'augmentait que de 5% chez les Français. On sait enfin que de 75 à 90, 40% des postes de travail occupés par des étrangers dans l'industrie ont été supprimés, ce qui correspond au licenciement de plus d'un demi-million de personnes. On pourrait multiplier les chiffres, tous indiquent la même chose. Les travailleurs immigrés ont été et sont encore les premiers licenciés et les derniers embauchés. It is ripped back side.